un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 555e émission de Johnny de A à Z. Donc tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit en principe. Hein. Et puis le thème de ce soir est très simple. Je vais vous proposer une émission avec que des titres de Johnny Hallyday en version maxi, en version edit. Qu'est-ce qu'une version edit ? Bah, tout simplement, c'est une version qui a été modifiés, on va dire, pour l'occasion. Souvent, c'est des versions qui ont été écourtées pour leur passage, pour leur diffusion en radio. Et puis, nous aurons également quelques versions alternatives qui ont été mises dans le commerce. En gros, on va partir de Johnny Hallyday de 1977 jusqu'à Johnny Hallyday en 1998. Car après, il n'y a plus rien eu, non. Plus de edit, plus de version maxi ou quoi que ce soit. Donc, on va retrouver beaucoup de chansons de l'album Rock'n'Roll Attitude, de l'album Gang, de l'album Ça ne change pas un homme, de l'album Lorada, encore Rough Town, et également de l'album Lorada, et avec un titre de l'album de l'album Ce que je sais. Oui, je vous ferai écouter la version Club Remix de Allumer le feu. C'est horrible, je vous dis de suite, c'est horrible. C'est voilà, j'ai écouté ça à nouveau, je dis mais quelle horreur. Donc je ne passerai que 30 secondes pour vous démontrer à quel point c'est mauvais et pourquoi on a sorti ça en version maxi. C'est de l'arnaque pour les fans. Voilà, ça c'est dit. Ben, installez-vous bien, hein. On va attaquer de suite cette émission Johnny de A à Z, la 555e, avec le titre Le cœur en deux. Le cœur en deux, le 45 tours est sorti en 1977, et sur le 45 tours, la chanson est sensiblement plus courte par rapport à la version exploitée de la cassette de compilation qui s'appelait Maxi Succès. Oui, la chanson est la même, c'est uniquement que la fin qui est tout à fait différente avec les grands orgues qu'on va écouter au cours de cette émission. Eh bien, on y va tout de suite. Voici Le cœur en deux, Johnny Hallyday sur RIG. Bonne écoute et bonne émission à toutes et à tous. peau. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui sais qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de pied dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. De R.I.G., la version maxi de R.I.G. de Je ne suis pas un héros, et c'est le single qui est figurant sur la compilation Balavoine, l'album de sa vie. Et ce duo est le résultat des mixages des voix présentes sur la bande master de l'album de John Hallyday à partir de maintenant. Cette bande a été mixée par le studio Townhouse, qu'on connaît bien hein, ici sur R.I.G., et supervisée par Andy Scott, qui avait fait la version, donc qui avait déjà fait le montage de Daniel Balavoine. Et on peut dire que ça, c'est la voix témoin de Daniel Balavoine qu'on entend sur ce morceau-là. Il y avait une version non officielle et j'ai récupéré la fin de la bande de la version non officielle pour la rajouter sur la bande, sur la version officielle. Vous avez compris ? Mais moi c'est principal, c'est que je me comprenne. Voilà. Le prochain titre qu'on va écouter, c'est la version radio de C'est pas facile. C'est pas facile, c'est le deuxième single tiré de l'album Pas facile, sorti le 11 novembre 1987. On écoute ça tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z. Mais pourtant je sais très bien que fille

ça fait le vide dans sa tête. Oui, ça fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Jure que le blues est inventé pour lui cette nuit, lorsqu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Maxi du chanteur abandonné sorti en avril 1985, Maxi 45 tours hors commerce. Le chanteur abandonné qui dure 5 minutes 50 au lieu de 4 minutes 50 et quelques, et voilà, est pendu à mon cou, qui elle dure normalement 3 minutes 58 secondes. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur ce titre-là. Et bien de suite, on va écouter le disque Rock'n'Roll, le titre Rock'n'Roll Attitude qui est sorti en septembre 1985, le Maxi 45 tours avec une version remix de 5 minutes 18. Et c'est bien ça, oui, exactement. Et ce disque est le premier Maxi 45 tours commercialisé de Johnny Hallyday. Ceux précédemment édités sont des hors commerce promotionnels. Rock and roll attitude. To the face. Rock'n'Roll Attitude, Johnny Hallyday, en 1985. Cette émission ce soir est dédiée aux toutes les versions maxi 45 tours de Johnny Hallyday, avec aussi les versions edit et aussi également les versions alternatives ou nouvelles chansons, nouvelle orchestration ou à la rigueur version alternative vocale. Et aussi, je me suis amusé à faire des inversions alternatives en quelque sorte avec mes duos impossibles. Et aussi, en même temps, je me suis amusé à prendre la musique d'un tel interprète et mettre la voix de Johnny Hallyday dessus. C'est le cas de la chanson suivante qui s'appelle La Quête, qui à l'origine est chantée par Jacques Brel, du moins la version française, et j'ai apposé la voix de Johnny Hallyday, c'est la version de Flashback Tour, sur la musique donc de Jacques Brel de 1968. Voici La Quête, on va dire, en version alternative. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, cette année pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai son héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux oh, brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, oui, même trop, même mal, pour atteindre, on s'en écarte les. Johnny et les années 80. Rock'n'roll. Version maxi de Je t'attends, sortie en novembre 1986, sous la référence 888-199-1. La version longue qui dure plus de 5 minutes 43, et puis avec en face B, Dans mes nuits, on oublie. On quitte l'album Gang de Jean-Jacques Goldman pour arriver à l'album Mirador, ou du moins Cadillac, pardon, avec 4 sorties de 45 tours, dont toutes ont été remixées en quelque sorte. Toutes. On va écouter de suite Mirador, qui est sorti avant l'album Cadillac. L'album Cadillac était sorti le 15 juin 1989. Et Mirador était sorti un peu avant, 10 jours auparavant, le 5 juin 1989, et il est remixé, justement, remixé du moins avec une orchestration légèrement différente, mais la voix de Johnny, c'est la même. Sur ton âme et tout tes sans bruit, c'est pas le Pérou. Mais faut rêver quand on promène nos corps sous le mitrador. Oui, la liberté, on l'a payée quand on enterre nos corps sous le mitrador. Votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Je me vois pas. Je t'as les combats. Il a fallu qu'un petit gars vienne là pour fonder des toits. Qui est le quatrième single de l'album Cadillac, avec cette fois-ci sorti le 3 septembre 1990, ce remix guitare. Le prochain titre que nous allons écouter, ce sera l'Himalaya, avec encore une version remixée instrumentalement et qui est sortie le 7 mai 1990. C'est le troisième single de l'album Cadillac. Là-bas, comme on monte sur un toit, j'irai là-bas, si je sais tu es là, j'irai vers toi, sans gants, souliers, ni cher pas, j'irai vers toi. J'irai là-bas. Alors c'est une faute de goût, hein, ces synthétiseurs qui font des trompettes. La faute de goût, carton jaune. rectification, oui, en effet, les vautours. Il y a eu 5 singles qui sont sortis de l'album, tirés de moins de l'album Cadillac. Nous avons le premier Mirador, le deuxième c'était Si j'étais moi, mais lui n'a pas été remixé. Le troisième c'était Les vautours à l'actuellement, le quatrième Himalaya et le cinquième Cadillac. Ce qu'on peut dire sur Les vautours, là vous avez pu entendre la version maxi 45 tours, Les vautours sort en single le 21 janvier 1990. Jugé trop violent, le clip vidéo est censuré à la télévision. De ce fait, Les vautours ressort dans une nouvelle version le 5 mars, qui en complément propose une nouvelle version de La musique que j'aime, réalisée par Pierre Billon avec Carole Frédérix et Eric Bamy au cœur. Voilà, on quitte cet album-là, l'album Cadillac, pour arriver à l'album Sachant pas un homme. Il est sorti 4 singles sur de cet album-là et je jette ma feuille comme ça, je peux plus la retrouver. Et le 45 tours et le CD sont sortis le 19 novembre 1991. L'album, lui, est diffusé le 17 décembre 1991 en vinyle, en CD et aussi, c'est une première, en digital compact cassette. On va écouter la version édite de Ça ne change pas un homme, c'est-à-dire c'est la version raccourcie, celle qui était émise dans toutes les radios. Go! Je n'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Et je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Moi, j'ai grandi dans la rue, avec au bout des poings des tessons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien déformé. Ça ne change pas un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Je n'ai pas cru l'ami, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. Et je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec des vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Pour n'avoir jamais cru, je n'ai jamais vécu. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. Ça ne change pas un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas, non. Johnny et les années 90. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Deuxième single de l'album Ça change pas un homme, avec une version sortie en 45 tours et courtée d'une minute. Et ce 45 tours est sorti le 25 février 1992. Le prochain titre, je vous propose d'écouter dans cette fameuse émission Johnny 2 à Z, avec des versions maxi, des versions édites, c'est-à-dire écourtées pour diffusion radio, et encore des versions alternatives, aussi bien musicales, instrumentales que vocales. Voilà. Pour la chanson, et bien justement, c'est l'occasion pour le prochain titre. Et puis je sais qui nous sort le 17 juin 1992, et nous avons une nouvelle version avec la voix, une voix alternative de Johnny Hallyday. Si vous n'avez pas fait attention à ça, eh bien écoutez-la de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z.

Préparez-moi, because single sorti de l'album Ça change pas un homme avec une nouvelle version, donc surtout avec une version musicale alternative. Il est sorti le 7 septembre 1992, et tous ces singles que je vous diffuse ce soir, vous pouvez les retrouver, si vous l'avez évidemment, dans la tour Johnny Hallyday, hein, la single collection, l'intégrale des 45 tours et des CD singles de 1960 à 2006. Ouais, on peut le retrouver d'occasion évidemment, mais après ça dépend les prix, hein, ne vous faites pas avoir, surtout pas avoir. Donc vous retrouvez tous ces singles dans la tour single collection de Johnny Hallyday. Le prochain single que je vous propose d'écouter, c'est le titre Je serai là. Il est sorti le 8 juin 1993 avec Je serai là, Retiens la nuit, et c'est le premier single d'Hallyday à n'être diffusé qu'en CD. Le dernier 45 tours de Johnny, Je veux te graver dans ma vie, version live Bercy 92, est officiellement sorti le 22 mars 1993, et désormais les singles à venir ne sont plus édités qu'en CD. Voici Je serai là avec la version courte, la version édite si vous préférez.

On reprend le cours de notre émission spéciale version Maxi 45 Tours, version Edit. Oh, il est parti de suite. On en parle après. Johnny et les années 90. On en parlera après, ouais. Can I explain this feeling that's true? Honey, I can hardly stand it. I wanna make love to you. When the stars Love to You, la version single est sortie le 21 septembre 1991 en version courte, en version edit. Oui, écourtée de 1 minute, tout court, voilà. Le prochain titre, c'est Love Affair en duo avec Cathy Mettea, qui est en version courte également, sortie le 1er mars 1995. And I'll come running to you, babe. You come running to me. But it gets kinda hard sometimes. So hard sometimes. Honey, if you're not there, if you're not there, I want a sweet love to share. I don't we have a love affair? I don't we have a love affair? Softly you were speaking, kind of hard sometimes. So hard sometimes. If you're not there. Album Rough Town pour arriver à l'album Lorada qui est sorti en 1995. Et là, on va écouter tout de suite le titre Je la croise tous les matins. Je la croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train et moi je rentre. Thank you. 5h40, elle va prendre son train. Et moi je rentre. L'album Lorada est sorti le 19 juin 1995 et le single Je la croise tous les matins, lui, est sorti le 6 juin 1995 avec 30 secondes de moins par rapport à l'album. Voilà, c'est la version édite. Et en face B, si on tourne le 45 tours, ben non, le 45 tours, ils éditent plus les 45 tours, c'est que des CD. En second, le second titre, c'est la chanson Un rêve à faire et on écoute, on entend une voix, la voix alternative de John Hayday, mais on va l'écouter, on l'entend tout à fait à la fin, le dernier refrain de Un rêve à faire. La voix de Johnny va changer. Voilà, écoutez ça, écoutez ça. C'est la version longue que vous avez de cette chanson Un rêve à faire, car la version sur l'album L'Orateur dure 4 minutes 39 secondes et là elle nous dure plus de 5 minutes et 12 secondes, cette chanson Un rêve à faire, qui est donc le deuxième titre du CD Je la croise tous les matins. Voici le titre à présent, Ne m'oublie pas. C'est un instant étrange, tu me regardes en silence, ça ne dure que quelques secondes. Et tu t'en vas dans ton monde. C'est un moment distance, ton regard en dissidence, et je vois passer une ombre quand tu me fuis, quand tu sombres. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. N'oublie pas, quand tu es au pays de tes rêves, ne m'oublie pas. Quand tu tombes, c'est un moment si intense, rien n'a plus la moindre importance, et tu retournes.

c'était clair. J'ai trouvé une femme que j'aimais. Il n'y avait pas de mystère, un amour très fort, comme un roc. Troisième single extrait de Destination Vegas qui était sorti le 12 décembre 1996. Le single, lui, est sorti le 16 juin 1997. Adaptation française par Philippe Labreau de la chanson américaine Like a Rock, écrite par Bob Seger, qui lui l'a enregistré avec son groupe The Silver Bullet Band et il est sorti en 1986. Et là, une version écourtée de 4 minutes 20 pour les besoins du CD, et alors que sur l'album, la chanson dure un peu plus de 5 minutes. Nous allons attaquer maintenant dans la ligne droite, hein, ça y est. Nous arrivons dans les derniers titres avec le titre par exemple Allumer le feu, qui est le troisième single extrait de l'album Ce que je sais, qui lui était sorti le 13 janvier 98 et le titre est sorti le 16 juin 1998. Le CD single, hein, Allumer le feu, édition radio, hein, de 4 minutes 20 alors que sur l'album elle dure 5 minutes 29 avec en face B, il n'y a pas de mix qui rentre un tour, avec en deuxième titre Les Moulins avant, et après est sorti à la même date le maxi 45 tours Philips Mercury, Allumer le feu, version club mix de 6 minutes 29 et la version dub mix de 6 minutes 29 également. On écoutera un extrait, c'est tout, pas la chanson entière, non c'est affreux, c'est trop affreux. Voici la version courte de Allumer le feu, version radio. Le vent qui Bah, je vous l'ai promis, hein, on écoute ensuite la version Club Mix. De la lumière de feu, la voix de Johnny est ralentie. Il suffira d'éteindre. Oh, quelle horreur! Et faire danser, et faire danser. Ouais, ouais. Il suffira d'éteindre. Oh, ce qu'on et faire danser, et faire danser. On se croirait après l'émission Johnny de A à Z, la programmation nocturne de RIG. Bon, j'avais dit que je passerai uniquement que 30 secondes, mais là j'ai passé plus de 30 secondes de ce titre-là. Bon, allez, on va passer au titre suivant. On va passer à une version alternative de Johnny Hallyday que j'ai concoctée pour vous, pour l'émission Johnny de A à Z. C'est le titre Un cri et que j'avais mis sur la musique de l'amour. Vous vous souvenez? Et j'avais intitulé le titre Un cri d'amour. Donc la voix, c'est la chanson du cri et la musique, c'est le titre de l'amour. On écoute ça tout de suite et on enlève cette daube. Merci. Un nom qui trace une ligne d'orgueil. J'ai dû prendre des coups, éviter des balles, oublier comment floue le cercueil. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues, à s'en frapper la tête. Ce que je suis, quand on est seul au monde, on se rêve une histoire, un plus d'amitié qu'en soi. Marlon, James Dean et Dennis au comptoir, qui me tendait un verre rempli d'espoir. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Je ne suis qu'un cri. Johnny La Z, la 555e, avec pour thème les maxi, les versions édition radio et aussi les versions alternatives. Je vous remercie tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission, bien entendu. Merci encore pour votre présence toute chaque semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un album de la semaine. Et puis en même temps, je dédicace cette émission auprès de Kevin et auprès de Cricri. Voilà. Avec toutes mes condoléances. Bonne nuit à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.